Il voudrait nous voir capituler. Nous ne capitulerons jamais. Il voudrait nous voir renoncer. Nous ne renoncerons jamais. Il voudrait nous voir abandonner. Nous n'abandonnerons jamais. Il voudrait nous voir plier genoux à terre. Nous resterons debout et fiers. On nous dit que ce n'est plus la peine, que notre combat est perdu d'avance, que bien sûr il y a des problèmes. Mais à quoi bon la résistance? Nous refusons cette morale sordide, annonciatrice de notre génocide. Nous luttons, nous gardons espoir, nous préparons pour le grand soir. Car ils voudraient nous voir capituler. Nous ne capitulerons jamais. Ils voudraient nous voir renoncer. Nous ne renoncerons jamais. Ils voudraient nous voir abandonner. Nous n'abandonnerons jamais. Ils voudraient nous voir plier genoux à terre. Nous resterons debout et fiers. Implantés dans les hautes sphères, serviteurs de l'éther et du combat. Ils financent sur notre terre des fanatiques, les tueurs de Allah. Par une propagande orientée, ils enterrent la vérité. Impossible à condamner, eux ils ont l'impunité. Ils voudraient nous voir capituler. Nous ne capitulerons jamais. Ils voudraient nous voir renoncer. Nous ne renoncerons jamais. Ils voudraient nous voir abandonner. Nous n'abandonnerons jamais. Ils voudraient nous voir plier genoux à terre. Nous resterons debout et fiers. Pour tous nos camarades assassinés ou prisonniers, que ces quelques-uns bien connus les accompagnent dans nos pensées. Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Aïe aïe aïe aïe aïe. Ils voudraient nous voir capituler. Nous ne capitulerons jamais. Ils voudraient nous voir renoncer. Nous ne renoncerons jamais. Ils voudraient nous voir abandonner. Nous n'abandonnerons jamais. Ils voudraient nous voir plier genoux à terre. Nous resterons debout et fiers. Les poings serrés, nous ne capitulerons jamais. Et même contre des milliers, nous ne renoncerons jamais. Contre cette infâme démocratie, nous garderons jamais. Pour la défense de la patrie, nous travaillerons jamais. Pour l'avenir de notre descendant, nous cesserons jamais. Refusant l'obéissance, nous ne reculerons jamais. Malgré les procès qui nous sont faits, nous lâcherons jamais. Contre les embûches et désertions, nous ne